pour toutes les familles qui se lèvent tôt, qui galèrent pour donner la bouffe à leurs minots, pour toute la jeunesse qui pète un câble, qui se noie dans le shit, la drogue ou la calme, pour toutes les familles qui se lèvent tôt, qui galèrent pour donner la bouffe à leurs minots, pour toute la jeunesse qui pète un câble, qui se noie dans le shit, la drogue ou la calme. 30 à galère impulsif sur son du terre 4. C'est mort ça et je casse direct le cul à 4 size. Mes jaloux, c'est tous ces pétés, veulent tous me sucer la bite. Je te fais tourner une pute et toi tu payes ton sandwich. Ici c'est Strasbourg et tout le 95. On tape les pécanes de crosse et des putes au gros sein. Les cafés flippent, on les reçoit à coups de parpaing. 4 roues motrices, je bloque le compteur à 3,20. J'arrose la justice, j'ai un regard malsain. Côte d'Ivoire, Algérie, un bête de cocktail africain. Pour toutes les familles qui se lèvent tôt, qui galèrent pour donner la bouffe à leurs minots, pour toute la jeunesse qui pète un câble, qui se noie dans le shit, la drogue ou la calme. Pour toutes les familles qui se lèvent tôt, qui galèrent pour donner la bouffe à leurs minots, pour toute la jeunesse qui pète un câble, qui se noie dans le shit, la drogue ou la calme. Là on bloque de riz impulsif, vice contre un dans le Paris. Honneur combat brari, c'est pas le Kenry. On part de moi en écho jusqu'à Paris. On sait jamais mon place par hasard, je suis capitaine sans brassard. Numéro 1 comme le Z de Zlatan. HTP sortez les pécanes. Dans tous les gars, si t'es pas content, je te prends à l'hôtel comme DSK. Ou la Z, humain de Z, ou fils d'un Z. J'arrive pour coacher comme un YZ. Je suis violent, bouillant, c'est pour ça j'ai un collant. Polos, tu vas faire une coulante. Ma gamberge fait très mal, accouchement césarienne. Arme lourde ivoirienne, la flamme missile aérienne. Mon side sort, la carabine, pine et piétine. Mon écrit c'est la guillotine, bisous à la plus belle des chabines. Mignonne et coquine, impulsive, mon side, on sort c'est une hyène. Pour toutes les familles qui se lèvent tôt, qui galèrent pour donner la bouffe à leurs minots, pour toute la jeunesse qui pète un câble, qui se noie dans le shit, la drogue ou la calme. Pour toutes les familles qui se lèvent tôt, qui galèrent pour donner la bouffe à leurs minots, pour toute la jeunesse qui pète un câble, qui se noie dans le shit, la drogue ou la calme. Et pour nos frères qui font rentrer de l'amnésia, en partant du Rockman jusqu'à Marbella. Vas-y nique la hella. Mais fais un deck, soit c'est la mort ou le Hebs, car t'auras pas le choix. Truand de la lerga impulsif, de Paname jusqu'à Strasbourg. Y'aura pas d'issue de secours. Les salopes vont ruminer, on va les ruiner, jusqu'à même les faire tapiner. D'où on vient, tous les terrains ils sont minés. La réalité a dépassé les séries de télé. Et si Arnoux, je mets le show, je vais le mêler. Maman Morsaï, le son du terre, volume 4. Bébé baisse toute la liste pour un RS4. Pour toutes les familles qui se lèvent tôt, qui galèrent pour donner la bouffe à leurs minots, pour toute la jeunesse qui pète un câble, qui se noie dans le shit, la drogue ou la calme. Pour toutes les familles qui se lèvent tôt, qui galèrent pour donner la bouffe à leurs minots, pour toute la jeunesse qui pète un câble, qui se noie dans le shit, la drogue ou la calme. C'est mon heure, la terreur combat beau, courageux comme John Pololo. Mon économie souterraine, je la savoure avec une bouteille de Polakoff. Pour tous les casseurs de coffres, yeah. Impulsif, morsaï, arme de guerre lourde. Pour les enfants du ghetto, dans toute la France, de Strasbourg à Paname, au Chico au moins et le trait de déco. Narcotrafiquant, fougueur de bédo, aux sens qui cherchent du peso. À ceux qui le vaut, à ceux qui font des bracos. Poulet, blanco, negro, pico et les symptômes. À la maison d'arrêt, centre de tension, centrale. Et en cellule, ceux qui ont le pico. Courage des frérots,